the keeper of the soul. She's called death. Takes you in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother, she is death. She is knocking at your door, don't have to run no more. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show. Ce soir, une émission 100% festival, festival dont on est partenaire. Donc effectivement, vous allez encore réentendre du LX ce soir. Vous allez entendre du Dracar, du Manigance, vous allez entendre beaucoup de groupes français. Mais avant ça, je tiens à dire bonjour Jen. Bonjour Pim. Bonjour Tom. Salut, bonsoir, bienvenue. Voilà, tout va bien. On règle un peu tard, presque. Il y avait un écho derrière, c'est comme si tu parlais dans une cathédrale. Ben, je suis dans une cathédrale, tu savais pas ça. Appelle-moi Dieu. Bonne soirée. Entouré de citrouilles, c'est pas mal. Oui, oui, j'espère que vous avez vu la petite photo qu'on vient de vous mettre sur Facebook. Elle est mise, mon cher Tom. Ah, sur la page du Rock for Show, oui. Sur la page du Rock for Show. Ah, elle est pas encore partagée sur la page de la radio. Et sur la page du Rock for Show, donc vous avez une partie de la programmation de ce soir. Donc vous verrez que je vous ai pas menti là. Pour une fois, on vous change, on vous fait passer, aller voir ailleurs si on y est, parce qu'on est ailleurs aussi. On est en même temps ailleurs, ouais, sur Radio Biz, sur Air Radio, sur Rock for Show, enfin partout. Hein. N'est-ce pas, ma chère Jen? As-tu passé une bonne semaine? Oui, très bien. Bon. Hormis l'agression des chats. Oui, c'est ça, tu m'as raconté hier soir une petite agression d'un greffier. Hein, ouais. Mais bon. Ah ouais, ils m'ont pris pour un gruffoir. Voilà. Alors, ce soir, on va donc vous parler de Metal Orga Festival qui se passe donc en Belgique. Enfin, on va vous débriefer tout ce qui va se passer ce week-end puisque nous partons en tournée. Et ils nous écoutent là-bas ce soir. Ils nous écoutent là-bas, ouais. Tout le monde nous écoute parce que tout le monde nous a dit on vous écoute ce soir. Donc, il y aura une partie, on va pas vous parler de la Belgique et des festivals. De Metal Orga, et on vous parlera aussi du Almetz Festival qui lui aura lieu dimanche, près de Paris, puisque ce sera à Magny-les-Hameaux dans le 78, et on vous y attend nombreux puisqu'il y aura ALX, Manigance, Fire Force, je crois que c'est ça, c'est tout, hein, j'en oublie pas. Non mais c'est déjà pas mal, ADX, Dracar, c'est déjà Manigance. Ah oui, Dracar, ADX, Dracar, Manigance, voilà. Et Fire Force. Les trois font la paire. Les quatre, ils sont quatre là. Ah hein, mais ils font pas la paire. Hein. Si, ça fait deux paires. Deux paires de deux. Faut-il dire que l'ouverture des portes sera à 18h30 et... Oui, on peut le dire, on peut le dire. Voilà. Et que les places seront à 12€ et que vous pourrez les acheter sur place. Parce qu'il n'y a pas eu de prévente mise en marche. Ce que l'on a entendu en ouverture d'émission, c'était Monsieur Alice Cooper. Monsieur Alice Cooper, tout simplement, parce qu'on voulait faire un petit clin d'œil au mois d'Halloween, puisqu'on est au mois d'octobre. Et comme on aura déjà dépassé la date la semaine prochaine, on se dit, on va le faire en avance. Qu'est-ce que t'en penses, Jen? Non, mais c'est bien. Hein, c'est bien, bah, vu que ouais, la semaine prochaine sera passée. Voilà. Et donc, ce soir, bah, on a commencé avec Alice Cooper, tiré de l'album. Alors, c'est tiré de l'album... Hey Stupid. Et le titre, oui, que l'on a écouté, ma chère Jen, Feed My Frankenstein. Yes. C'est sorti en 1991 chez Epic. Et bah voilà, c'était pour entamer cette émission aux couleurs d'Halloween. Et puis ce que vous entendez en fond sonore, c'est Blue Pills qui seront en concert. Tout à fait, ils seront Elles seront en concert, le 30, donc c'est dimanche, si je dis pas de bêtises, oui, au Trianon avec Cadavar. Exactement. Voilà, donc ça c'est pour vous permettre un petit peu d'aller en concert. Si vous n'êtes pas à Magny-les-Hameaux, ben voilà, on vous donne quand même un autre concert sur Paris. Magny-les-Hameaux, c'est dans le 78, il y a un RER, il y a tout pour y aller, hein, donc ne vous inquiétez pas. Nous allons passer à des nouveautés, puisque nous avons reçu un nouveau titre de Pretty Maids qui sortira son album le 4 novembre, donc la semaine prochaine. Et on vous a choisi ce soir le titre éponyme de l'album. Alors autant j'étais resté sur ma faim sur le titre qu'on vous avait diffusé en petite avant-première il y a quelques temps, autant celui-ci m'a mis d'accord. Sauf que ça ne révolutionne pas le genre. C'est un très très bon titre. On retrouve tous les ingrédients que l'on aime chez Pretty Maids. Voilà, c'est un titre de plus de Pretty Maids, mais qui déménage pas mal, qui envoie bien, avec des bons solos, avec une bonne mélodie et une voix chaleureuse de Monsieur Ronnie Atkins. Donc je pense que ça devrait plaire à tous les amoureux des mélodies des Scandinaves. N'est-ce pas, ma chère Jen? Tout à fait. Et c'est sorti chez Frontiers. Enfin, ça sortira chez Peut-être Frontiers. Peut-être qu'il faut annoncer le titre. Ah. Ce serait bien. Hein, donc, le titre de l'album est Kingmaker. Et donc, du coup, on va vous passer le morceau éponyme Kingmaker. On enchaîne ensuite avec un groupe français. Enfin, je crois qu'ils sont français, mon cher Tom. On a essayé de trouver d'où ils étaient. De... Moi, il me semble qu'ils sont de Rouen. Ah, de... Ah, ils ont fini chez Brennus. Alors, voilà. Mais c'est un groupe français qui s'appelle A Test of Freedom. Freedom. Et oui, ils sont français, mais ils ne veulent pas dire d'où ils viennent. Bah oui, sur leur site Facebook, c'est pas marqué. Mais il me semblait, moi, l'avoir lu quelque part qu'ils venaient de Rouen. Bon, maintenant, peut-être pas. Ils nous font du heavy metal mélodique. C'est leur premier album. Ils se sont formés en 2015. Et leur album est sorti le 7 octobre chez Brennus, comme tu l'as dit, ma chère Jen. Et le titre, donc le titre de l'album, vous l'avez sur le tableau. Le tableau, vous avez le titre de l'album que je n'ai pas remis sur votre petit, sur le conducteur. Donc, okay. Le titre de l'album s'appelle Caved in Your Dreams. Et le titre que l'on va écouter, The Hangman. Voilà, et c'est vraiment, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympathique. Donc on va vous laisser découvrir ça. Et on retrouve nos amis canadiens. C'est vrai qu'on était resté une semaine ou deux, je crois, sans avoir passé de groupe canadien. Eh bien, on a reçu un groupe canadien très intéressant, un groupe de prog metal canadien qui m'a vraiment bien botté les fesses. Ça s'appelle Jupiter Hollow. Et ils nous font un metal prog très orienté, Yes, Rush, voilà, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Et moi j'ai vraiment mes craqué carrément dessus. Pour l'instant on a juste un EP, puisque l'album sortira au mois de janvier 2017. Donc c'est, pour le coup c'est vraiment une grosse exclusivité. Et voilà, c'est une autoproduction. Leur EP s'appelle, ma chère Jen, Odyssée. Et le titre qu'on va vous diffuser, Alice Earth. Voilà, donc c'est tiré d'un EP, trois titres, et je pense que d'ici là j'aurai l'occasion de vous repasser les deux autres titres, ou du moins en mettre un sur Facebook, puisqu'il y a un clip qui a été tiré de certains de leurs titres. Ils nous viennent de l'Ontario au Canada. Et puis quoi d'autre, bien, c'est pour les fans de Tool, de Rush, comme je vous le disais, Perfect Cycle, Pink Floyd, mais également de Carnival et Tesseract. Voilà, un gros mélange quand même de métal bien sympathique de la part des Canadiens. Et on salue au passage Radio Biz, monsieur Eric Flynn et monsieur John Asher de Asher Media, qui nous a envoyé donc ce nouveau groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On va rappeler peut-être le numéro de téléphone ? Mais oui ! Hein ? Alors, le 06 81 01 28 34. Pour vous rappeler qu'il y aura des places à gagner tout à l'heure sur toute la programmation dont on va vous parler, c'est-à-dire les festivals dont on est partenaire. Donc si vous voulez nous suivre ce week-end, bah, vous pourrez venir avec nous sans souci. Enfin, avec nous, vous y allez de votre propre chef, mais vous pourrez rentrer dans la salle de spectacle gratuitement grâce au Rock for Show et aux organisateurs de ces festivals. On envoie tout de suite la musique, on se retrouve tout de suite après. Pour l'instant, ce sont des nouveautés avec Pretty Mad. C'est parti. In retour dans les studios, il est bientôt l'heure de vous annoncer plein de dates de concert. Il est 19h passé de 59 minutes en France, bien évidemment, hein, au Canada. Eh bien, il est 20h, 20... Non, il est pas... Ouais, vas-y, excuse-moi. Il est 20h, si tu veux, il est 20h au Canada, ouais. Non, il est 14h... Dans un autre monde, il est 20h au Canada. Il est 14h, c'est ça? Ou 15h? 14h. Bon, t'enlèves 6h. Ouais, bon, voilà, l'heure, il était... Ah, t'enlèves 6h? Eh ben, 14h. Qu'est-ce que je voulais vous annoncer? Bah oui, ce que vous entendez en fond sonore, ma chère Jen. Tout à fait, alors on les connaît, on les a déjà passés, et c'est les Rock Goddess. Et elles sont jolies tout plein. Ah bah je sais pas, je les ai jamais vues. Eh ben, faudrait que tu ailles les voir, hein, parce que c'est du bon rock'n'roll des années... c'est la New Wave of British Heavy Metal, hein, mais féminin. C'était Et voilà, moi j'aime beaucoup, je les ai vues l'année dernière à Vouziers, et elles reviennent cette année à Vouziers. Tout à fait, je vois ça. Et pas seulement, parce qu'il va y avoir des groupes étrangers encore cette année à Vouziers. Oui, en effet. Il y aura Bonfire, déjà, qui joueront avant Rock Goddess, d'ailleurs. Et en tête d'affiche, nous avons quand même Gravedigger. Les Allemands, voilà. Alors, si vous voulez retrouver toute la programmation, on vous l'a passé la semaine dernière, hein, parce qu'on avait fait une spéciale Vouziers Metal Festival, le 26e, je crois, hein, ça doit être le 26e Vouziers. Et c'est puis, ce soir, bah, vous pouvez encore gratter des places, si vous voulez y aller. Et c'est au 06 81 01 28 34. Alors, c'est simple, il faut nous donner le nombre de groupes qui sont présents à l'affiche du Vouziers Metal Festival. Simple. Par SMS, hein. Par SMS, ouais. Bien entendu. Par SMS. Et vous gagnerez donc deux places pour aller au Vouziers Metal Festival, 26e du nom. On va citer les autres groupes qui sont à l'affiche. Oui, tout à fait. Alors, il y aura, attention, accrochez-vous, The Bimps. Excellent groupe. Voilà. Lone Wolf, qui nous viennent de Grenoble, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Dirty Action. Qui sont les anciens Attentat Rock. D'accord. Manigans, qui nous viennent de Pau. Si je dis pas de bêtises aussi. Tu en as de la chance. Ouais. Bonfire, Rock Goddess et Gravedigger. Voilà, une très très belle affiche qui est quasiment sold out. Je crois qu'il doit rester à peine 30 places. Bah tant mieux, c'est cool. Hein. Donc c'est bien de voir que les festivals en province affichent quasiment complet. Merci à William qui organise tous les ans, depuis 26 ans maintenant, cette fantastique réunion de métalleux à Vouziers, dans les Ardennes, bien évidemment. Nous, on va vous parler d'un autre festival qui se passe malheureusement le même jour. Hein. Mais oui. Mais avant ça, on va vous parler du 28, de Alors, celui qui se déroule demain. Tout à fait, donc c'est la même orga, hein, Metal Orga. Donc le 28 demain, ouverture des portes à 20h à Autrage, en Belgique. Il me semble que c'est pas très loin de la frontière française. C'est pas loin française. De la frontière. Au Club 10... l'entrée est à 5€, donc c'est pas très cher à la rigueur. Moi je me dis un voyage en voiture, ça peut valoir le coup. Il y aura donc Drakkar, ADX, Manigans et Octane. Voilà, Octane que vous retrouverez sur un autre festival avec ADX. Tout à fait. Et le puis, lendemain. Le lendemain. Le jour du Vouziers d'ailleurs, voilà, en même le temps. Le 29. Ouais. Le 29, a priori, il y aura pas mal de festivals quand même sur la France. C'est ça, c'est le 29, hein. Oui, mais je oui, me trompe c'est pas. Ça. C'est bien c'est le 29. C'est 29, ouais, samedi 29. Voilà, et donc vous trouverez en tête d'affiche de ce festival du 29... Vulcain. Oui, les Français de Vulcain, suivis par ADX, Drakkar, bien évidemment. Stratagem, Vas-y, Rose, Wizo, Octane de nouveau, Surpuissance et Black Bart. Voilà, alors on va vous parler de tous ces groupes-là, on va vous diffuser un extrait de chacun des groupes. Et sachez que vous pourrez gagner également des places pour ces festivals au 06 81 01 28 34. Faudra juste nous donner la nationalité du groupe Drakkar. Oh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous, on fait ils sont des suédois. Concours. Ils sont vikings. Nous, on fait que des concours très compliqués. Et c'est toujours au même numéro de téléphone. 06 81 01 28 28 34. 28 c'est 28. Quoi 28 t'as oui. faim toi t'as ouais, faim. On mange des truites ce soir. Non, ce soir c'est raclette. Ou de la chauve-souris, hein, pour manger chauve-souris. Une chauve-souris. Ah, il y a du potimarron aussi. Des potimarrons, voilà. Chauve-souris, enfin bref, plein de choses à manger. Allez, on va commencer donc à vous parler de ce festival qui aura lieu le 29. Donc c'est à Douai. Tout à fait. À Douai, dans le 59. 59, le Nord. Et on va donc commencer avec Vulcain. Vulcain qui nous a sorti un magnifique album de reformation. D'abord, ils ont sorti un live, puis après, ils ont sorti cet album de reformation qui s'appelle V8. Et on va vous passer le morceau. Avec vous. Effectivement, comme tous les jeudis soirs, nous sommes avec vous et avec Vulcain. Enfin, pas tous les jeudis soirs, mais on est avec vous ce soir. C'est sorti sur Desperado Records en 2013. Tout à fait. Hein ? Et le groupe va nous ressortir, il est en préparation, hein, on rentre dans le secret des dieux là. Ils sont en préparation d'un nouvel album. Alors, c'est bon, ça. Tenez-vous prêts parce que le groupe était en studio il n'y a pas très très très longtemps là, pour justement peaufiner et enregistrer ce nouvel album. Et au niveau concert, il y a des dates peut-être ou pas ? Il y aura les dates. On ne peut pas tout annoncer pour l'instant, mais il y aura des dates, on vous annoncera ça à partir de la semaine prochaine. Ah, t'as le droit d'annoncer la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord. Okay. Voilà. Donc, on dit ça, on ne dit rien, quoi. Mais on le dit quand même, quoi. Mais on le dit quand même. Puis on est très heureux, d'ailleurs, hein, de se le dire comme ça. Donc après Vulcain, on passera donc à ADX, tiré de l'album Non Serviam, La Furie. Pourquoi La Furie ? Parce que c'est le nouveau clip qu'ADX a mis en ligne cette semaine. Et vous pouvez donc aller le voir sur le Facebook d'ADX, sur le site d'ADX, sur le forum d'ADX, enfin un peu partout. Vous pourrez aller voir ce clip qui s'appelle La Furie et qui déménage pas mal. L'album est sorti, on vous le rappelle, chez Ultime Records le 10 juin 2016. On enchaînera ensuite avec Drakkar. Nos amis de Drakkar avec qui on a joué la... Bah, ils sont peut-être venus de Suède à un moment donné. Eh, c'est fort probable. Hein. Hein, ils ont dû passer par là, à mon avis. Parce que je sais qu'ils aiment bien voyager, les Drakkar. Mais ils aiment beaucoup la France. Si on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup en France. Et on va les voir, là on les voit à Douai, mais on va les voir aussi à Manille-les-Hameaux dimanche. Et on les reverra encore dans pas mal de festivals et pas mal de concerts en France. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'ils adorent la France. Et surtout, ils viennent nous dispenser leur dernier album qui s'appelle Once Upon a Time in Hell. Il était une fois en enfer. Exactement. Et le titre que l'on va vous diffuser ce soir, tiré de cet album, A Destiny That Does Not Heal. Exactement, sorti en 2014 chez Spinal Records. Que vous dire d'autre ? Eh bien, ce sont des gens charmants, adorables, que nous adorons. Et qui étaient venus dans le Rock for Show. Ils avaient fait le déplacement de la Belgique. Tous ensemble, ils étaient venus dans le Rock for Show. En même temps, il y a quoi ? Il y a 2 heures de route. Hein, donc bah quand même, il y a des gens qui habitent de l'autre côté du périph' et qui se déplacent. Regarde pas les Scholegers. Ah oui, eux aussi, ils sont venus. De Champagne, venus, ouais. Voilà. Les Freaky Time, oui. Également. Donc hein. Tu vois, j'ai envie de dire, excusez-moi, là en même temps, de l'autre côté du périph', ça fait loin. Ouais, regarde, moi je mets 1h15 pour venir chez toi. Non mais toi t'es de l'autre côté du périph. En transport. En transport, ouais. Voilà, oui, forcément. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui est venu la semaine dernière ou oui, mais le problème par rapport à Diane, en période de pointe tu mets 3 heures pour venir et en période creuse tu mets 20 minutes. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc nous allons terminer cette... Non, il nous reste encore 2 groupes. Hein, avant, un seul. Stratagème. C'est Stratagème. Voilà. Les Parisiens. Enfin oui, ils sont de la région parisienne. Oui, ils sont de la région parisienne. Qui nous ont sorti leur seul et unique album depuis 1979, je crois, où ils se sont formés. Et ils ont sorti un album. Quelle bande de grosses feignasses quand même. L'album s'appelle Highway. Bon, ils ont de la chance quand même, cet album est vachement bien. Donc... On va les pardonner un petit peu, mais mettez-vous au boulot les gars. Hein. Et le titre c'est Gimme Gimme. Non c'est pas. Toi t'en as pour les Suédois toi ce soir. Hein? Parce que Gimme Gimme qu'on venait de chanter c'était ouais, Abba. Je sais pas pourquoi. En ce moment c'est pourquoi. La Suède. Hein, la Suède. Elle est à fond sur les grands blonds aux yeux bleus. Je pense que ça va être ça. Ah c'est peut-être ça. C'est peut-être les hormones qui parlent. Ah c'est peut-être ça. Donc voilà et cet album est sorti en 2013. Chez Vocation Records. Voilà, donc on vous laisse avec ces 4 premiers groupes. Donc on commence avec Vulcain, on enchaîne avec ADX, on continue avec Drakkar, le seul groupe étranger de cette sélection musicale, et on termine avec Stratagem. N'oubliez pas, si vous voulez rafler des places pour aller voir ce festival à Douai, il faut nous donner la nationalité du groupe Drakkar. Au 06 81 01 28 34. Par SMS, musique. We'll be right back.

retour dans les studios, il est 20h, passé de 22 minutes ici, ici haut, parce qu'on dit ici bas. Mais là, j'aime bien filmer. Il est 20h, passé de 22 minutes, yeah, comme ça. Avec la voix très forte. Mais et, oui, tu, et tout d'un coup, il prend sa voix normale. Ouais, bah là, bon, bah sinon, voilà, ça va. Tu satures à mort. Tu vas bien? À mort. C'est mieux, c'est mieux. Putain, arrête de manger le micro. Je te le mange trop, je te le mange trop, contrairement à toi. Ouais, mais nous c'est bien. Hein, je te fais pas mal à tes oreilles. Bah, mais... En même temps, j'ai pas de cash, chouchou. Allez, nous reparlons de ce festival organisé par Metal Orga qui aura lieu le 29 octobre, c'est-à-dire samedi à Douai, dans le Nord. Est-ce que tu as l'adresse, ma chère Jen, sur ta petite feuille? Alors, laisse-moi regarder. Oui, ce sera sur la péniche Spitzasso, parc du Ravage Gaillan. Oui, et l'entrée voilà. Et l'entrée est à 15 euros. Voilà, donc précipitez-vous à Douai. Venez voir Vulcain, ADX, Drakkar, Stratagème et Black Bart que vous entendez en fond sonore. Tout à fait. Black Bart qui nous viennent de Lille. Ils sont à la maison. Oui, voilà, eux ils jouent à domicile. Ils se sont formés en 2008 et ils ont à leur actif 2 albums. Donc ce soir, on voulait passer en fond sonore parce que il y avait plus trop de place pour le conducteur. Donc il faut bien qu'il y ait un groupe que l'on sacrifie. Ça a été Black Bart, puisque c'est le groupe en plus qui va ouvrir. Qui ouvre, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc j'espère que vous avez quand même. Voilà, on va se taire un petit peu pour les écouter un petit peu. Black Bart dans votre poste avant de les retrouver sur la péniche. Il chante plus maintenant, c'est malin. En tout cas, c'est la base. Voilà. Ensuite, vous aurez la suite de la programmation de ce festival magnifique. Merci Metal Orga. Vous retrouverez les Valenciennois de Rose qui ont sorti un album. Alors celui-là, il date un petit peu, c'est pas le dernier album. Celui-ci, il date de 2010. Il s'appelle D'un siècle à l'autre, qui était, ma foi, sympathique comme album. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, ma chère Jen, donc, puisque nous sommes en plein Halloween. Exactement, c'est ce que j'allais dire, vu qu'on est sur le thème d'Halloween. Voilà. Le morceau que nous allons écouter ce soir s'appelle Le cimetière de fous. Voilà, et quoi d'autre? Ils seront à l'affiche du Metal Orga Festival de Douai samedi soir. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe des franciliens, les parisiens. Tout de à fait, qu'on connaît très très bien, n'est-ce pas? Et qui seront logiquement à l'affiche du Paris Metal France Festival. Ça, on peut le dire puisqu'on l'a annoncé la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Hein, donc, ne les ratez pas, Wizzo. Alors, on peut vous dire également que vous allez les retrouver assez régulièrement en région parisienne. Parce que je crois qu'ils font une date au Pacific Rock, me semble-t-il. Et puis une date, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Enfin bref, surveillez les dates de concert de Wizzo. C'est un groupe assez intéressant à voir sur scène. Très dynamique, très jeune, très fougueux. Très jeune, mais en fait c'est ça, c'est des jeunes et des fougueux. Et ils font du rock'n'roll quoi en fait, ouais. sans fioriture. Alors eux ils se disent très influencés par Motorhead. Motorhead c'est vrai que c'était du hard rock'n'roll. Mais alors vocalement par contre on n'est pas du tout dans la lignée Motorhead. Hein. Une voix mais très claire, très musicalement peut-être, ouais. Pas vocalement. Oui, oui. Au passage Phil, excuse-moi, tu parles du Pacific Rock. Parlons vite fait, bien fait du pub ADK qui... Oui. Voilà. Exactement, vas-y. Il est où le pub ADK? Dans le 77. Exactement. Qui est sur sa fin. Ah bon, ça t'as pas entendu ça parler bat de l'aile. Non, j'en ai pas entendu parler. T'en as pas entendu parler. Non, mais ça m'embête ça, par contre. Ah, bah voilà. Parce que c'est toujours triste de voir une salle qui bat de l'aile. Ouais, mais c'est pas eux en. C'est autre que eux qui d'accord. Ne veulent plus que. Voilà. Bah, je sais pas si t'es au courant aussi. Samedi soir, il devait y avoir un concert à Vitry. Avec 633 pour une soirée Halloween qui a été annulée parce qu'ils ont fermé le chapiteau. C'était une asso qui avait ouvert une scène associative et ils l'ont fermée de force. Du coup, la soirée a été annulée. Mais sur le jour de la soirée ou là, ils ont réussi ouais, à quand non, même non, à... non, non, non, là, cette semaine, ils se fermaient de force. Voilà. Comme alors quoi, la ouais, scène. On est vraiment en danger là. Hein. Donc, ouais. Si vous avez des scènes, des salles de concert qui sont susceptibles de fermer, il y a peut-être un signal d'alarme à tirer et de rassembler un petit peu tout le monde et d'aller peut-être manifester devant la salle pour dire qu'on veut que nos salles de concert restent ouvertes. Mais c'est ça. Enfin, plutôt que de payer 280€ pour aller voir Phil Collins, excusez-moi. Il y a un moment donné où il faut savoir voir où sont les priorités. Et quand vous vous plaignez qu'il n'y a plus de concerts en région parisienne, mais regardez aussi, quoi. Et puis au lieu d'écouter Énergie, écoutez Radio, quoi. Enfin, du monde du Rock for Show. Écoutez Radio Biz également, parce qu'ils ont de la très très bonne musique. Voilà, bon, en tout cas, coup de gueule passé sur les fermetures de chapiteaux et de salles de concert. On soutient le pub ADK, donc. Hein. Et on espère qu'il n'y aura pas d'autres salles qui sont touchées. Ouais, le problème, c'est que... C'est le local. Hein. C'est le local à vite qui sera fermé. Et puis là, c'est le local aussi qui serait fermé. Après, c'est pas la sour en elle-même qui craint, c'est le local en lui-même qui est appelé à être fermé par la municipalité, pour tout dire. D'accord. Bon, on va écrire la municipalité, alors. Il va falloir peut-être faire bouger les choses et leur dire que ces endroits où les jeunes peuvent se retrouver, où les groupes peuvent jouer, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir une salle de concert digne de ce nom et d'aller jouer et de faire jouer la nouvelle génération de musiciens, la génération montante, hein, des musiques nouvelles, puisqu'il y a aussi une association qui s'appelle Association des musiques nouvelles. Hein, dans certaines villes, et donc ce serait bien que tout le monde se rassemble autour de ça et qu'on fasse vivre notre musique. Puis ce genre de salle, c'est une petite salle qui est très c'est associatif, c'est très communautaire, familial, comparé aux grandes salles qu'on a dans certaines villes d'Île-de-France, quoi. Bon, allez, on va aller soutenir le pub ADK et alertez-nous si vous avez d'autres salles, si vous entendez parler d'autres salles qui peuvent fermer. Nous parlions donc de Wizzo. Wizzo, c'était une autoproduction. Le titre de leur album, ma chère Jen. Real Hot Stuff. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un très chaud outil. Et le titre que l'on va écouter ce soir, on reste dans Halloween. Eh oui, tout à fait. Teasing the Devil. Allez, c'est sorti en 2014. Et nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe français qui, lui, n'a sorti qu'une démo pour l'instant. Mais ils sortiront apparemment un EP ou un album en 2017. Hein, donc ce soir, c'est un extrait de leur démo qui s'appelle TV. Hein, donc ça parle de la télé, je crois. Hein, et le groupe s'appelle Octane. Voilà, et vous les retrouverez donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sur deux dates. Vous les retrouverez demain soir. Metal Orga. À Outrage. À Outrage. Et vous les retrouverez donc le 29, le samedi, à Douai. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce groupe? Il s'est formé en 2015 et bien sûr la démo est une autoprod, évidemment. Donc on va vous laisser les découvrir. Et nous terminerons les groupes de cette scène avec un groupe dont on vous a déjà parlé puisqu'ils étaient sur une compilation, si mes souvenirs sont bons, que Fury était venu nous présenter, qui s'appelait... je sais plus comment ça s'appelait, cette... Je me souviens très bien de cette soirée. Hein, ouais. Tu te rappelles puisque tu m'avais dit surpuissance. Ouais. Hein, et le morceau qu'on va vous passer ce soir, c'est un morceau un petit peu rigolo et je voudrais le dédicacer à une personne en particulier qui se reconnaîtra certainement et même certains auditeurs qui ont pas suivi mal surfé. Suivi un petit peu l'histoire. Hein, voilà, qui ont suivi un peu les histoires du PMFF récemment, eh bien on dédicace ce titre qui se nomme, ma chère Jen, Super Zéro. Voilà, c'est pour toi. Et le titre... Merci. Non, pour toi, auditeur, pour comprendre un petit peu ce dont on voulait parler. Et le titre de leur album, qui est vraiment excellent, s'appelle... Affamé de métal. Et même le morceau Affamé de métal est très très bien, j'ai failli le choisir, puis je me suis dit que Super Zéro, ce serait drôle, donc voilà. Très très bon groupe sur Puissance, donc ne les ratez pas, allez les voir en concert, et venez à Douai pour les supporter et supporter toute la fiche de groupes français, hormis Drakkar, qui est un groupe belge. Bah, c'est pas très loin. Hein. Non, c'est juste à côté. Mais ils sont un peu franco-belges, on va dire. Voilà. Il y en a qui sont franco-russes, c'est beaucoup plus loin. Eux, ils sont franco-belges, mais franco-russes, c'est surtout bon à manger. Allez, on arrête de faire du flan et on passe à la musique, au métal. La métal en fusion. Et on commence avec qui, ma chère Jen? Alors, nous commencerons avec Rose. On continue avec Wizzo. Et ensuite, Octane et Surpuissance. Musique. On va faire sur les patates. Mmh.

secondes à fond la caisse. 10 secondes par de faiblesse, entier par le temps. Go, peuple le grand show. L'affrontement final, il y aura la médaille du super-héros. Go, peuple le grand show. La lutte magistrale pour qui la médaille. Retour dans les studios du Rock Fork Show, encore trois quarts d'heure à passer en votre compagnie. J'espère que cette programmation du Metal Orga de Douai vous aura bien pris la tête. C'est quand qu'on se couche? On se couche pas maintenant, mon cher Tom, encore trois quarts d'heure. D'abord on va manger et puis on ira se coucher. Une fois qu'on aura bien mangé, on aura la bonne entre bien tendue, n'est-ce pas ma chère Jen? Hein. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les groupes que nous allons retrouver à Douai samedi? Donc, sur la péniche Spitz Asso. Alors, nous retrouverons Black Bar, Surpuissance, Octane, Wizo, Rose, Stratagème, Drakkar, Adeïs et Lupien. Voilà. Alors, vous nous donnez la spécificité de cette affiche. Il y a un groupe qui n'est pas français, mais de quelle nationalité est-il? Ah, on l'a suffisamment répété. Ah oui, ce on soir. L'a dit. Hein, on l'a dit. Puis d'ailleurs, on mange des frites une fois là-bas. Hein, voilà, une fois. Donc, vous nous envoyez un petit SMS. Et ils sont blonds aux yeux bleus aussi. Au 06 81 01 28 34. Et vous raflez deux places pour aller voir le festival de Metal Orga. Dans le 59, le Nord. Voilà. Nous allons passer maintenant à la suite de la programmation avec ce que vous entendez en fond sonore. Le groupe est en tournée actuellement, donc c'est évident que nous les retrouvons sur quasiment toutes les dates que nous soutenons. Merci de vouloir baisser un petit peu ce fond sonore du groupe Alix tiré de l'album Non Serviam avec le titre Non Serviam. Et ils seront donc en tête d'affiche du concert Almetz Festival qui aura lieu le dimanche 30, ma chère Jen. Tout à fait. Où ça? À Manille-les-Hameaux. Dans le 78. C'est ça, région parisienne. Et ça, la salle s'appelle l'Estaminet. Est-ce qu'on a d'autres renseignements sur la salle? Eh bien, non. L'adresse. Alors, sur la salle, tu as l'adresse normalement sur la petite fiche des concerts. Je retrouve ça. Sur la fiche des concerts, tu as le. C'est sur une esplanade. L'esplanade de quelque chose. Le 30. Alors, esplanade Gérard Philippe, quartier du Buisson. Avenue de Chevincourt, et c'est 12 euros sur place. Voilà, uniquement sur place, il n'y a pas de réservation avant, mais vous pouvez envoyer un SMS peut-être à l'Orga et il vous réservera votre place. Sachez que là, maintenant, tout de suite, pendant cette émission, vous allez pouvoir rafler deux places pour ce festival, Almetz Festival. C'est dur à dire parce qu'ils auraient pu me dire Hamlet Festival, mais non, c'est Almetz Festival. Le dimanche 30 à Manille-les-Hameaux, nous y retrouverons, donc, comme je viens de vous le dire, ADX Manigance. Il y aura également Drakkar et Fireforce. Donc deux groupes belges, deux groupes français. Voilà, c'est l'échange franco-belge. Et nous allons donc commencer, donc, hormis ADX que vous entendez en fond sonore, nous allons commencer avec Manigance. Tout à fait. Donc nous allons écouter le Mirage tiré de leur album Volteface sorti en 2014 chez Bay Records. Exactement, nous continuerons encore avec Drakkar, parce qu'on sait que vous aimez et que vous ne les avez pas assez entendus. Donc on vous repasse un deuxième titre de Drakkar tiré toujours du même album. Once Upon a Time in Hell. Donc oui, nous écouterons Scream It Loud. Tiré de leur dernier album, c'est sorti chez Spinal Records en 2014 également. Et nous finirons avec Fireforce. Donc nous allons écouter le titre éponyme de leur album, Deathbringer. Voilà. Donc, Alors c'est leur dernier album, apparemment sorti en 2014. Il est possible qu'il y en ait un qui est sorti en 2016 ou qui doit sortir en 2016. Sachez que c'est sorti chez Limb Music Product, et je ne savais pas que ce label existait toujours. Pour moi, étant donné qu'on ne recevait plus rien de chez eux, bah, j'étais persuadé que le label avait disparu. C'était LMP dans les années 80, où il y avait beaucoup de groupes chez eux. Je crois qu'il y avait Rhapsody chez eux. Les premiers albums de Rhapsody étaient chez LMP, et je croyais que la maison de disques avait périclité, et en fait pas du tout, puisque le groupe Fire Force est signé chez LMP. Eh bien, on va vous laisser en écoute de ces quatre groupes, enfin trois, puisque le quatrième, vous l'entendez lorsqu'on parle par-dessus. Et vous pourrez, durant tout ce temps, nous envoyer vos SMS. Il n'y a pas de questions, hein, c'est juste pour le plaisir de vous faire gagner des places pour aller à Manille-les-Hameaux. Pour aller soutenir plutôt les groupes français et les groupes belges dimanche, si vous n'avez rien à faire après la messe, hein, ça ouvre à 17h30 je crois l'ouverture des portes, et le premier concert doit commencer à 18h ou 18h30, c'est bien ça? Alors ouverture des portes 18h30. Ah, c'est 18h30, oui. Ouverture des portes. Donc voilà, ça vous laisse le temps d'aller à la messe, d'aller voir mamie, d'aller bien manger, de faire une petite sieste, et puis de finir votre dimanche. Surtout que le lendemain, le lendemain c'est pas férié, mais il y en a qui font le pont. Ah, il y en a qui font le pont, hein. Donc on fera la fête avec vous juste après. On envoie tout de suite Manigance, Dracar et Fire Force. C'est parti. Prisonnier du temps, malgré le temps des vents. de retour dans les studios pour la dernière demi-heure de cette émission fantastique, extraordinaire, fabuleuse, que devrais-je dire, monumentale, n'est-ce pas, Jen? On a le droit de se complimenter, de s'auto-complimenter, hein? Vas-y, mais ouais, c'est bon. Avec le micro fermé, c'est pas mal. Ouais, vas-y, mais ouais. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous allez pouvoir entendre au Almetz Fest. On va rappeler la date et puis les conditions, enfin l'adresse, tout ça, ma chère Jen, du Almetz Festival de dimanche. Alors, dimanche, nous vous donnons rendez-vous à 18h30 à Magny-les-Hameaux dans le 78, à l'Estaminet, Esplanade Gérard Philippe, quartier Dubuisson, avenue de Chevincourt, 12 euros sur place. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir Fire Force, Draca, Manigans et ATX. Génial, nous le fait. À l'anglais, on a l'impression que c'est une. Comment on appelle ça, l'office du tourisme qui nous présente la région. Sur la droite, vous pourrez découvrir. Et dans cette magnifique région, vous pourrez manger. Des frites. Des moules. Oh, c'est génial. Génial, ça, des moules. Bon, allez, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Misanthrope. Et ils ont participé à un tribute to Mylène Farmer, un tribute, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un tribute d'une commande russe. Apparemment, c'est un label russe qui leur a commandé une reprise de Mylène Farmer, et c'est désenchanté. Alors, j'espère que la semaine prochaine, on vous le passera en entier. Là, on manquait un petit peu de temps, donc on parle un petit peu par-dessus. Sachez que le groupe Misanthrope sera à l'affiche du festival qui se nomme Rock Your Brain Festival et qui aura lieu le 6 novembre prochain. Et à cette affiche, nous retrouverons Vulcain, oh comme c'est étrange, nous retrouverons Killers, oh comme c'est fantastique, et nous retrouverons ADX, oh c'est génial, c'est génial. Et nous continuerons à retrouver Mystery Blue que nous avons, on l'a annoncé aussi sur le... Non, mais il n'y a pas de Rakar non plus. Non, il n'y a pas de Rakar. Et il n'y a pas Manigance. Il n'y a pas Manigance non plus, parce que... Bah, j'irai pas. Tu n'iras pas parce qu'il n'y a pas Manigance et Draka. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, Mystery Blue, eh bien, vous les retrouverez à l'affiche du Paris Metal France Festival. Ça, on l'a annoncé, ouais. Hein, déjà. Moi, je sais que les concerts où il y a Draka, ADX, Manigance et Vulcain. Et Vulcain, d'accord. Bah, tu vas pas en faire beaucoup, hein. Mais il y en a un que tu vas faire, certainement, un de ces jours. Sachez donc que Mystery Blue, comme je venais de vous le dire, est à l'affiche du Paris Metal France Festival. Donc ce soir, on vous a passé quoi comme groupe qui sont à l'affiche du Paris Metal France Festival? Bon, on vous a passé Mystery Blue. Et puis tout à l'heure, je vous ai annoncé quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On ne rappelle même plus. Je sais plus. On l'a dit ou on l'a pas dit? Je sais plus. Bah, dis-le directement, comme ça. Widzo, voilà, c'était Widzo. Des Widzo qu'on avait annoncé effectivement à la fin du France Festival. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Ah oui, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Par contre, le 1er novembre, vous allez connaître les têtes d'affiche du festival. Alors que tout le monde se dit, mais c'était pas les têtes d'affiche déjà qu'on a annoncé. Non. Comme quoi, vous allez voir le level qu'il y a sur ce Paris Metal France Festival. On vous a gâté, mes amis. Nous allons continuer la programmation musicale avec quelques petites nouveautés, quelques petites réjouissances, dont un groupe qu'on a annoncé aussi et qui sera à l'affiche du Paris Metal France Festival, puisqu'il s'agit de Unscared, les franciliens. Alors mon chéri, oui. Si je puis me permettre, oui. Je crois que tu as oublié ma Sisteria. J'ai oublié, déjà. Ah oui, on doit d'abord enchaîner avec Massisteria, oui. Parce que Massisteria est aussi en concert. Mais oui, ils sont aussi en concert avec ADX. Et oui, à Calais, dans le 59. Voilà, là voilà. Où il y avait la jungle qu'ils ont complètement démantelée. Ah bah écoutez, j'ai pas au courant. On sera juste à côté. La jungle a pris feu cette nuit. Et c'est marrant parce que d'habitude, c'est quand Massisteria se déplace, ils mettent le feu. Et bien là, ils ont mis le feu avant, ils ont eu peur, je pense. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Tom? Avec ton micro qui sature. Tout à fait, Thierry. Non, il ne sature pas. Il est loin de moi. Il est loin de toi. Loin des yeux, loin de la bouche. Allez, Massisteria, donc effectivement, ma chère Jeanne, heureusement que tu es là et je vois que tu suis comme une belle animatrice que tu es. Et donc, tu vas nous présenter Massisteria. Alors, Massisteria, nous allons vous faire écouter un titre tiré de l'album Matière Noire qui a également été signé chez V-Records en 2015. Et le titre que nous allons vous passer, c'est plus que du métal. C'est vrai, c'est vrai. C'est voilà. Plus que du métal. Voilà. Mmh. Alors, ouvrez les guillemets, le titre que nous allons vous passer, j'ouvre les guillemets, plus que du métal. Fermez les guillemets. Voilà, comme ça, comme on ça, remet les bon. Choses dans son contexte. Sachez que donc le concert aura lieu le 4 novembre à Calais et à la salle Gérard Philippe. Il y a beaucoup de Gérard Philippe, hein, t'as remarqué, ouais. L'esplanade, l'estaminet, ouais. Tout ça. Gérard Philippe. Et donc ils seront en compagnie d'ADX. Donc on enchaînera après avec le groupe qui sera également à l'affiche du Paris Metal France Festival. Et là c'est bon, hein, je te laisse dire le nom du groupe. Unscared. Unscared qui nous sort son nouveau EP. Son nouveau EP qui s'appelle The Commitment EP. Et sachez qu'ils seront donc à l'affiche du Paris Metal France Festival, comme je vous le disais, le 6. C'est donc eux qui seront. On vous donne déjà des horaires, enfin pas des horaires, mais des pistes. Hein. Unscared ouvrira donc le 6 janvier. Hein. Au plan Harris Orangis. Voilà, et ne les ratez pas parce qu'ils nous ont promis un super show. Donc à vous de bien les soutenir. L'album, donc pas l'album mais le titre qu'on vous diffuse ce soir, Refused, et c'est une autoproduction sortie en 2016 soutenue par Ellie Records et Ellie Promotion, on va dire, pas Ellie Records. C'est un groupe de trash qui nous vient de Paris et qui nous avait sorti un magnifique album avec chanteuse, le dernier qu'ils avaient sorti. Et on avait un petit peu craqué sur ce groupe puisqu'ils étaient passés au Rockford Show juste avant d'aller en partance pour le Hellfest. Alors je sais plus s'ils avaient joué là-bas. Non, je crois qu'ils n'avaient pas joué, ils avaient juste été voir le Hellfest. On enchaînera ensuite avec un autre groupe français qui, eux, nous viennent également de Paris. Et le groupe s'appelle... Nemos. Leur album, autoproduction, s'appelle As the Ocean Burns. Et le titre que l'on va vous diffuser ce soir... Sandstorm. C'est sorti en 2014. Le groupe entamera une tournée. J'en entends plus rien du tout dans mon casque. Le groupe entamera une tournée au mois de novembre. Merci, ça revient. Une tournée au mois de novembre. Tiens, elle a tout cassé. Dont on vous parlera très prochainement. Lorsque nous aurons toutes les dates. On les a, mais voilà, je ne les ai pas préparées pour ce soir. Pris par le temps. Le groupe officie dans un death mélodique de fort belle facture et ils nous viennent donc de Paris. Voilà, bon, je crois que c'est bon pour cette partie de musique que nous allons écouter. Donc nous allons commencer avec Mass Hysteria, nous continuons avec Unscared et nous terminons avec... Nemos. Musique. Silence est d'or, alors le bruit est de métal, une fausse.

de retour dans les studios pour la fin finale. J'adore la fin finale. Ça allait pas mal ça là. Je savais pas trop à dire, mais voilà, j'ai dit elle ça. Est belle, elle est belle. La fin finale avec Amarante dont on a parlé la semaine dernière. Ouais, bon, hein, c'est tout pourri. Hein, Tom, mais comme ta blague. Enfin, ce titre. Tom, tu te jettes par la fenêtre et tu sors. Ce titre est vraiment tout pourri. Attends. N'est-ce pas, Jen? Tu l'as dit la semaine dernière, moi c'est je l'ai pourri. Dit. Hein, voilà. Mais sachez qu'ils seront quand même en concert le 3 novembre au Petit Bain pour prendre une tôle. Ça coupe là-bas. Ah, merci. Avec Sonic Syndicate et Smash Into Pieces. Alors, ça, c'est deux groupes excellentissimes. Sonic Syndicate et Smash Into Pieces, c'est excellent. Donc, allez les voir si vous n'allez pas voir Amarante. Nous allons terminer cette émission avec un ami qui s'appelle Vass et qui a un groupe qui s'appelle Toxic Lily. Tout à fait, hein, ils jouent pas mal en ce moment. C'est bien, d'ailleurs. C'est sympa comme groupe. Et c'est super chouette sur scène, faut vraiment aller les voir. Avec une chanteuse qui a un peps de malade. Qui a très souvent des tenues assez colorées et ouais. Non, vraiment c'est chouette. Moi j'ai trouvé que vocalement ça ressemblait un petit peu alors je dis bien vocalement, pas la musique par elle-même hein. Ça ressemblait un petit peu à Supervus. Oui, non. Peut-être. Peut-être qu'il y a des influences. Ouais. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé que donc c'est frais, c'est sympa. Et puis c'était pour finir aussi avec Halloween puisque l'album s'appelle Trick or Treat. Et le titre que je vous propose d'écouter, c'est Let Me Out, laisse-moi sortir. Bah oui, c'est la fin de l'émission. Il est pas tout jeune cet album hein, quand même. Il date de 2015. Mm. Donc ça va. Et quand on arrive en 2017, ça va. C'est chez Humphreys Productions. Et voilà, c'est un groupe français. On en reparlera, on les invitera peut-être aussi dans les studios. On verra, parce que c'est vrai que Vass, ça fait un petit bout de temps qu'il supporte le Rock for Show et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré avec eux. Hein. Ça notamment, fait un petit bout de temps aussi qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu. Ouais. Ouais. Ouais. Donc voilà, Vass, on va te recevoir. Hein, avant Noël, peut-être. Mais oui, hein, ce serait cool. Allez, on vous quitte, on vous laisse avec Toxic Lily. On vous retrouve la semaine prochaine pour le Brain Festival, Brain Metal Festival. Rock Your Brain Festival et on vous dira tout sur ce festival, enfin presque tout. Voilà. Et on vous laisse avec Toxic Lily. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. À la semaine prochaine. Bye bye.